Vous écoutez le podcast de Mac Québec avec Alexis Cornelier et Bernard Ouellette. Bonjour, bienvenue à ce nouveau podcast Mac Québec. Mon nom est Bernard Ouellette et vous pouvez me trouver sur Twitter avec l'acronyme CyBernard. Bonjour, comme co-animateur Alexis Cornelier, vous pouvez me trouver sur Internet au alexiscornelier.com et à partir de ça, me trouver un peu partout. Alors, nouvelle équipe, comme vous pouvez le constater, c'est pas des voix communes si vous êtes des habitués du podcast Mac Québec. Effectivement, nouvelle administration, on veut bien humblement faire notre proposition de podcast Mac Québec en remplacement de la légendaire équipe des deux Laurent et de Sylvain. On les comprend, ils ont des nouvelles obligations. Nouvelle responsabilité. Oui, on parle de triplex, de l'enseignement. Et d'une start-up pour la grande maisonnave. Ça ne nous empêche pas de vouloir les inviter de temps à autre, s'ils le veulent bien, effectivement, à participer au podcast. Donc, on va parler de plusieurs sujets. On parle, entre autres, du iOS 4.2, un petit suivi. On parle également de rumeurs au niveau d'un nouveau modèle iPad, qu'on pourrait appeler le iPad 2. J'ai une petite chronique sur des applications iPhone sympathiques que j'ai utilisées pendant la semaine. Et on va finalement terminer le podcast avec des nouvelles brèves. Donc, premier sujet, le iOS 4.2. Les nouvelles fonctionnalités du iOS qui visent en fait à réunifier les fonctionnalités qu'on avait vues apparaître sur le iPhone 4 et sur le iPod Touch dans le iPad. Donc l'iPad qui est un petit peu à la traîne au niveau de ces fonctionnalités-là. Et maintenant, Apple est égal sur toute la gamme de produits. Première technologie, c'est AirPrint, qui est une technologie qui permet d'imprimer à partir de son unité mobile. Et il y a des petites contraintes, par contre, en fait. Oui, il y a des petites contraintes par rapport à la compatibilité avec les imprimantes. Si vous aviez une imprimante, vous l'avez achetée depuis quelque temps, dites-vous qu'elle ne sera pas compatible. Il y a seulement quelques modèles, surtout HP, qui sont compatibles pour le moment, mais peut-être qu'il y a des applications tiers. Des applications tiers qui permettent de contourner le problème et de rendre une ancienne imprimante, si on veut, le compatible AirPrint. Ensuite de ça, il y a le multitâche et les dossiers qui sont les grandes fonctionnalités qui ont été introduites avec le iPhone 4. Donc, le multitâche sauce Apple qui permet de sauter d'une application à l'autre facilement. On fait ça en pressant deux fois rapidement le bouton Home du iPhone et maintenant du iPad. Et ça permet, en fait, dans un premier temps, peut-être de rendre la fonction copier-coller qu'on avait plus intéressante. La fonction dossier aussi, on était limité sur le iPhone à 144 applications. Maintenant, avec les dossiers dans lesquels, sur l'iPhone, on peut regrouper jusqu'à 12 applications et jusqu'à 20 sur l'iPad, à ce moment-là, on peut en installer beaucoup plus. Il faut dire que le OS 4.2 profite beaucoup plus au iPad qu'au iPhone. Tout à fait, effectivement. Donc, on a aussi la technologie AirPlay qui a été introduite dans le 4.2. Ça, c'est une technologie qui est vraiment intéressante et très prometteuse, qui permet la diffusion de contenu vidéo et audio en streaming sur un AirPort Express, qui est la borne, le petit routeur sans fil de Apple, qui est équipé d'une sortie audio. Donc, on peut le brancher à n'importe quoi, n'importe quelle paire d'enceintes acoustiques et diffuser de la musique. Et aussi sur le Apple TV. Donc, tout le contenu vidéo provenant de iTunes qu'on pourrait avoir mis dans son iPad est diffusable, streamable, en bon français, ouais, sur ces plateformes-là. Et Steve Jobs, parce qu'il y a certaines limitations encore là, Steve Jobs répond à des emails de temps en temps, très brièvement, à des fanboys, à des fans qui lui écriraient. Et à ce moment-là, aurait confirmé que Safari et les applications tierces pourraient bénéficier de cette fonctionnalité AirPlay-là au début de 2011. Donc, une autre bonne nouvelle, une nouvelle version de Safari, j'imagine, qui va amener cette technologie-là. Et AirPlay, bien, c'est sûr que ça reste dans un environnement Apple. L'intérêt du Apple TV, c'est la très bonne intégration et la très bonne transparence du produit avec l'univers des produits Apple. Et moi, ce que j'ai l'impression, vers quoi Apple s'en va, parce qu'on sait qu'il y a un gyroscope dans le iPhone. Mm-hmm. En fait, dans l'iPhone, il y a toute la technologie qui est équivalente à une manette de Wii. Et si on parle de diffusion, de streaming de contenu sur une télévision, mais l'iPhone serait probablement équipé pour streamer un jeu vidéo sur le Apple TV et il lancerait lui-même la télécommande, la manette, si on veut. Donc, j'arriverais chez toi, Est-ce que ça tente de faire une partie de Angry Birds ou une partie de couper les fruits ninja, de Ninja Fruit Choppers ou je ne sais pas quoi. Et à ce moment-là, notre iPhone deviendrait notre katana, notre lightsaber, puis on pourrait jouer sur ta télévision de 50 pouces ou sur l'écran de Frank the Tank de 109 pouces. Que chez Frank the Tank qu'on salue par ailleurs, s'il est à l'écoute, on te salue. Donc, on aurait chacun notre iPod Touch ou notre iPhone comme manette. Et on aurait, par exemple, un Apple TV qui pourrait peut-être être une nouvelle console de jeu. Moi, en tout cas, je crois qu'il va y avoir une évolution vers une console de jeu ou une fonctionnalité. Il y a déjà Game Center qui est intégré au niveau de nos iPhones. Est-ce que tu crois à ça, toi, les jeux sur l'Apple TV? Moi, je pense, en fait, il y a déjà un jeu qui s'appelle The Incident qui, justement, une fois acheté pour le iPad, permet d'utiliser le iPhone comme télécommande pour jouer sur le iPad. Donc, à partir de là, il y a un pas à franchir pour utiliser l'iPhone comme télécommande sur Apple TV. Donc, c'est à surveiller. Tu m'as fait aussi découvrir que l'iPad pouvait servir d'interface MIDI. Oui, effectivement, une technologie qui a moins été marketée ou qui a moins été divulguée du nouveau OS 4.2, c'est Core MIDI. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? En fait, avant, on pouvait utiliser le iPad comme interface avec des ajouts physiques propriétaires, là, des trucs relativement dispendieux. Maintenant, en fait, je t'ai montré une vidéo sur Internet, quelqu'un qui branchait son petit clavier USB via l'adaptateur de Apple pour la caméra photo, qui vend à une cinquantaine de dollars. Et avec une application dans le iPad, on pouvait contrôler le clavier ou en fait des sons MIDI. La première application qui est sortie et qui utilisait ça, ce n'était pas une application sonore, mais bien une application pour gérer les lumières sur une scène, qui fonctionne aussi avec le protocole MIDI. Et à ce moment-là, je pense que les musiciens vont être très contents de pouvoir utiliser ces nouvelles fonctionnalités-là. Pour certaines personnes, c'est vraiment un des trucs essentiels puis vraiment excitant à propos du iOS 4.2. Il faut dire qu'on a vu beaucoup de vidéos sur YouTube de certains groupes qui ont utilisé soit des iPhones ou soit des iPads pour carrément faire une chanson. Il y en a un qui jouait le batteur, l'autre, il jouait une guitare électrique, la basse. Je me souviens d'une vidéo dans un métro, ils jouaient leur chanson, carrément leurs instruments, c'était leur iPhone. Je ne pense pas qu'Apple l'avait prévu autant de ces applications-là, mais on voit l'universalité de ces appareils-là. Pour l'anecdote, en fait, le groupe s'était fait voler ses instruments de musique. C'est pour ça qu'ils se sont lancés sur leur iPhone pour jouer. Une fonctionnalité, je pense que auquel tu t'attendais pas, mais tu es très content que Apple ait lancé. Ça n'a jamais été discuté. C'est arrivé en même temps que iOS 4.2 et c'est la fonctionnalité Find My Phone. Oui, effectivement, j'ai bien fait d'attendre un petit peu. Je voulais me procurer la suite Mobile Me pour pouvoir bénéficier surtout de cette fonctionnalité-là, qui est le Find My Phone, retracer finalement mon appareil, peu importe où est-ce qu'il est, si je l'ai perdu, égaré dans un endroit que je ne savais pas, bien, à ce moment-là, c'est fort pratique. Les autres fonctionnalités de Mobile Me, je n'en avais pas vraiment besoin. Et quand j'ai fait la mise à jour au niveau 4.2, j'ai eu cette heureuse surprise-là en lire un petit peu les articles sur Internet. J'étais fort content. Ça m'a fait économiser 110$ que je vais mettre sur d'autres choses. Find My Phone, comme tu l'as dit, qui sert à retrouver le téléphone, mais aussi à pouvoir bloquer en cas de perte et même à pouvoir effacer le téléphone à distance ou encore le faire sonner. Donc, dans un exemple où est-ce qu'on aurait perdu le téléphone à l'intérieur de la maison, on le fait sonner pour le retrouver. Mais à l'intérieur d'un divan. À l'intérieur d'un divan. Exactement. Et si on a oublié le téléphone, par exemple, une soirée précédente au bar ou quoi que ce soit et qu'il y a des informations très importantes dessus, on peut l'effacer à distance à ce moment-là. Je voulais juste peut-être apporter deux petits points. Il y a il y a toujours des anicroches avec des nouvelles versions de logiciels comme ça. Il y a peut-être des gens qui ont perdu l'accès sur leur iPhone ou sur leur iPad à leur bibliothèque de musique. Simplement brancher l'appareil à iTunes et resynchroniser le tout, laisser faire une synchronisation complète et le contenu va réapparaître. On va poursuivre maintenant avec l'autre sujet, c'est le fameux iPad 2. En fait, c'est une rumeur. Ben, c'est clair qu'Apple va lancer un nouveau produit. Ils le font avec l'iPhone, ils le font avec l'iPad à chaque année. Et c'est clair qu'un an plus tard, après la sortie de la première version du iPad, on va voir le iPad 2 apparaître sur les tablettes. Maintenant, ouais. qu'est-ce qu'il va avoir dans ce nouvel appareil-là? Est-ce que Apple va aller le plus loin possible en offrant des fonctionnalités dont on n'avait pas pensé ou vont simplement faire une gentille mise à jour quand on sait que HP ou Juju, qui sont considérés comme des échecs de l'année là, par un article du Business Week cette semaine, et que le produit québécois dont on essaye d'être fier, ça semble être un bon produit, mais on lit certaines choses qui nous laissent penser que c'est un succès mitigé. Bien, on parle de ExoPC, en fait, oui. L'appareil qui est fabriqué à Rimouski. Un appareil qui est lancé ce mois-ci. J'étais allé voir leur forum de discussion et on parle d'une entente avec un important fournisseur aux États-Unis, une distribution dès ce mois-ci, au mois de décembre, également une distribution au niveau du Canada, mais seulement 5 000 appareils. Bon. C'est ça, c'est une goutte d'eau. Là. C'est une goutte d'eau. Je crois qu'il y a eu, il y a quelques temps, un championnat du monde des tablettes qui a été mis sur l'Internet. Le iPad, d'ailleurs, s'était fait battre au premier round de ce championnat-là. Et c'est le Playbook et une autre tablette qui était arrivée en finale. Le Playbook, qui, à ma connaissance, n'est pas encore mis sur le marché, qui est sur le papier pour l'instant. Bien, je me demande, parce qu'on a fait voter des gens, des internautes pour la plupart. Je me demande comment qu'ils peuvent voter sur un appareil qui n'existe même pas encore sur le marché. Exactement, et qui va arriver, en fait, quand le iPad 2 va être annoncé, qui devrait être annoncé autour de janvier pour peut-être une sortie au mois d'avril, quelque chose qui ressemblerait à la même fenêtre que l'an passé. Pour faire un étalage un petit peu des rumeurs là, dont on entend sur le iPad 2, pour revenir au sujet, bien évidemment, un meilleur processeur, plus rapide, des caméras pour FaceTime, donc en avant et en arrière de l'appareil. Mm-hmm. Ça semble évident de toute façon. Là. C'est pas à l'état de rumeur, c'est vraiment... quelque chose de normal. Parce que l'iPad, c'est le seul appareil présentement qui n'a pas la fonctionnalité FaceTime à cause qu'il n'y a pas les caméras. Donc, ça va de soi que le nouveau iPad va avoir les caméras. Effectivement. On parle aussi soit d'un deuxième dock connector qui serait mis à l'horizontale de l'appareil pour pouvoir l'asseoir en mode horizontal sur un dock, mais... Ailleurs, on parle aussi d'une prise mini USB qui remplacerait le dock connector de Apple. Moi, je pense qu'il n'y a pas trop de chances qu'on aille vers le port USB. Je pense que Apple est très content d'avoir le dock connector et de pouvoir faire un certain contrôle au niveau des fabricants de périphériques et à qui ils donnent la licence de pouvoir brancher leurs appareils sur leur iPad. Évidemment, un case plus léger. On a lu du fibre de carbone plutôt que du métal. Une enveloppe, effectivement, de fibre de carbone. Les gens donnent un peu comme défaut au iPad, c'est qu'il est un petit peu trop lourd. Je mène le trop lourd, c'est vraiment une façon de parler, mais un peu plus lourd qu'ils s'attendaient. L'iPad pèse 1,5 livres. Lors de la démonstration, en fait, Steve Jobs s'assoyait tout le temps quand il utilisait l'iPad. Donc, on aimerait ça une version plus légère pour pouvoir l'utiliser debout. Bien, surtout si on lit un livre pendant plusieurs minutes ou qu'on regarde un film, ça devient un peu fatigant à la longue de tenir ça entre les deux mains. D'avoir un iPad un peu plus léger, ce serait peut-être bien à ce moment-là. Moi, j'aimerais ça juste pour en avoir un peu. Apple a breveté ou a acheté le brevet pour utiliser le Liquid Metal, qui est un métal très, très léger, mais qui devient excessivement solide. Et ça pourrait donner une très bonne rigidité à un appareil qui serait fabriqué avec un matériel plus léger. Une autre rumeur, c'est au niveau du Retina Display qu'on a vu apparaître sur le iPhone 4 et le Retina Display qui quadruplait le nombre de pixels affichés à l'écran, le nombre de vrais pixels à l'écran. Et si on fait un calcul, si c'était porté sur le iPad, on aurait une résolution de 4096 par 3072. Aucun écran jusqu'à 30 pouces n'offre cette résolution-là. Donc, Ça reste à l'état de rumeur pour l'instant, mais je doute vraiment qu'on ait du Retina Display sur le iPad. De toute façon, tout ce qu'on vient de parler, ce sont des rumeurs qu'on a vues sur Internet. Bien souvent, les rumeurs, c'est ce que les gens aimeraient bien avoir dans l'appareil, mais on accouche d'un appareil qui a 25 % 50 % des fonctionnalités qu'on a vues dans les rumeurs, mais à tout le moins... Il semble y avoir des choses qui vont de soi, la caméra, le processeur un peu plus puissant, etc. Donc, c'est pas mal ce qui clôt le sujet de iPad 2? Oui, on va revenir en fait au début janvier probablement lors de l'annonce probable de ce produit-là. Il y a toujours une grande messe à Apple au début janvier. Ouais. Au début janvier, toujours une grande messe, et ce serait l'appareil idéal parce que c'est le lancement de d'autres tablettes des compétiteurs. Et pour couper l'herbe sous le pied des compétiteurs, on va faire une grande annonce, peut-être pour faire patienter les gens, pour dire « Attendez, on s'en vient avec le iPad deuxième version. Ça va sûrement s'en venir au niveau du printemps. » Donc, quelque chose à surveiller. Pour communiquer avec l'équipe du podcast Mac Québec, par courriel podcast@macquebec.com. Vous pouvez également participer à l'émission en enregistrant votre question sur notre boîte vocale, composée dans la région de Montréal, le 450-800-0640, et dans la région de Québec, le 418-800-1966. On parle maintenant des applications iPhone. Oui, ben j'ai quelques applications à iPhone. Je suis un peu un addict de l'achat de l'application sur iTunes Store. Il y en a une qui... quand je tombe sur une qui semble me promettre une fonctionnalité que j'utiliserais peut-être, je l'achète. Donc, j'en ai une bonne liste cette semaine de ces applications iPhone. Puis, j'y reviendrai quelques fois au cours des podcasts. On est au mois de décembre, on risque de se déplacer dans les centres commerciaux pour aller faire nos achats de Noël. Et si on y va avec les enfants, avec la myriade de gens qui se retrouvent là, je te parle d'un 23 décembre au soir mm-hmm. pour aller acheter ses cadeaux de Noël. À ce moment-là, peut-être un guide dans un centre commercial, là, quand on va au Carrefour Laval, c'est tellement immense, on se retrouve jamais. Mais il y a une application pour ça, c'est la ligne de Apple. Et Fastmall pourrait vous aider. C'est une espèce de Google Map des centres commerciaux. Donc, au début, l'appareil va nous détecter, nous proposer une liste des centres commerciaux les plus près de nous. On va télécharger la map de ce centre commercial-là et ça va nous permettre, en fait, de se diriger dans le centre commercial. On a une fonction d'offre spéciale. Donc, je suis au centre Rockland. Je suis là pour magasiner des vêtements, par exemple. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que les magasins m'offrent comme rabais autour? Je vais avoir ça tout sous une rubrique, offre mm-hmm. spéciale. Et bon, si on est avec les enfants, il y a toujours le « Maman, je vais aller aux toilettes » qui survient. Ou « Papa, je vais aller aux toilettes », ça presse. Donc, on secoue le iPhone et on va nous afficher la liste des toilettes les plus près. Donc, c'est la carte des magasins à l'intérieur d'un centre commercial. Tout à fait. Ensuite, il y a Lady Dude qui permet d'utiliser le service Latitude de Google. Service Latitude, en fait, c'est une carte en temps réel où est-ce que je choisis de m'afficher et mes amis qui sont abonnés au service Latitude et à qui j'ai donné la permission peuvent me voir me déplacer en temps réel. Jusqu'à maintenant, le service Latitude était disponible sur les téléphones Android, mais le téléphone de Apple ne le permettait pas parce qu'il n'y avait pas de multitâche, il n'y avait pas de GPS en tâche de fond. Maintenant, c'est réglé. D'accord. Et Lady Dude permet d'utiliser cette fonctionnalité-là de Google. Il y a le service Mint.com. C'est pas nécessairement le fait qu'il y a une application iPhone, mais cette semaine, mon institution financière s'est finalement abonnée. Je sais pas comment ça fonctionne, là. C'est eux qui s'abonnent au service de Mint.com. Mais déjà, j'ai l'impression d'être plus riche. Et il y a une application iPhone qui existe pour Mint.com et qui nous envoie un paquet de notifications. Entre autres, cette semaine, Mint m'a averti que mon institution m'avait chargé des frais d'opération et ils m'ont dit ben, « tu devrais peut-être les appeler pour voir avec eux s'ils ne peuvent pas les descendre » ou quelque chose comme ça. Juste pour situer un petit peu qu'est-ce que c'est que le service Mint.com, ça ressemble un peu au logiciel Quicken, c'est-à-dire un service de gestion des finances personnelles. Ben, Quicken me semble plus... Bon, déjà au début, quand on parle de faire des budgets, de fiscalité, de finances, c'est un sujet qui est assez lourd pour la plupart des gens. Mm-hmm. Et moi, j'ai l'impression que Mint.com amène une certaine facilité à ce niveau-là qui rend l'exercice plus agréable, disons. C'est vraiment un service facile à prendre en main. Les catégories, c'est des vraies catégories, là. C'est combien tu payes pour ta passe d'autobus, combien tu payes pour ton câble, des trucs comme ça. C'est déjà tout fait dans l'interface et ça permet de rapidement se créer une carte de ses finances personnelles et de voir combien on est dans le trou, en fait. Est-ce que c'est sécuritaire? Parce que on met quand même nos finances, on se met quasiment à nu, finalement, au niveau financier sur ce service-là? C'est une excellente question. Je ne fais pas assez d'argent pour, pour me dire qu'ils pourraient me pirater ou quoi que ce soit. D'ailleurs, Mint.com a été racheté par une grande compagnie. Le nom m'échappe, mais je ne pense pas qui briserait leur crédibilité à jouer avec les finances des gens. Je suis peut-être crédule, par exemple, remarque, là, mais je pense que l'économie que Mint.com peut m'apporter au niveau de mes finances personnelles vaut bien de leur faire un petit peu confiance. Donc, à surveiller Mint.com. On a également une autre application qui s'appelle le GeoReminder. Il y a une application qui s'appelle effectivement GeoReminder, mais le GeoReminder, c'est un concept qui est de fournir des alertes en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, l'exemple parfait, c'est vous avez emprunté un DVD. Je t'ai emprunté un DVD et j'oublie toujours de te le rapporter. Et pourtant, je passe très souvent à côté de chez toi. Je vais donc indiquer à mon téléphone, à mon iPhone, à travers l'application GeoReminder ou même Todo. Ça s'écrit 2DO. Permet de créer ce genre de notification-là. Ce que ça va faire, c'est que dès que je vais passer aux alentours, en hégémonie de où est-ce que tu habites, ben il va avoir cette notification-là, sonore ou autre, qui va apparaître et qui va me dire « Va donc porter le DVD à Bernard. » Donc, une liste de choses à faire, mais géolocalisée. Donc, dès que j'approche du dépanneur sur le coin de ma rue, j'ai un petit signal qui me dit « Arrête, achetez la pinte de lait. » Va acheter une pinte de lait. Voilà. Donc, on oublie moins les demandes de sa conjointe de cette façon-là. Idéalement, moi, j'enseignerais à ma conjointe de le mettre dans mon GeoReminder. Ah. Ça serait encore mieux. On a également des jeux. Oui, cette semaine, en fait, on a vu l'apparition sur l'iTunes Store de Rage HD, provenant de la mythique compagnie ID Software, qui fait des non moins mythiques jeux de shooter. Et ce jeu-là, en fait, montre toute la puissance au niveau graphique dont le iPad et le iPhone sont capables. Il y a bientôt, la rumeur dit d'ici le 7 ou le 9 décembre, Infinity Blade aussi, qui devrait être un RPG très, très abouti, qui devrait apparaître sur le iTunes Store. Honnêtement, si j'étais Nintendo, moi, j'aurais vraiment peur à mon marché du casual gamer. Toi, on sait que tu te couches à 3 heures du matin pour jouer ardemment à des jeux vidéo, Bernard? Pas tout à fait, non. Moi, je vais plus sur Internet naviguer, m'informer, plus que de jouer à des jeux, peut-être un peu les petits jeux. Des petits jeux de cartes ou des trucs comme ça, là. Des petits jeux Facebook, mais pas plus que ça. Et Facebook, Farmville, non? Non, pas du tout. OK, excellent. On peut continuer à se parler. D'ailleurs, la compagnie Zynga qui fait Farmville vient de sortir un nouveau jeu qui s'appelle Cityville. J'imagine qu'il y a des gens qui vont passer encore des heures et des heures sur ces jeux-là. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Il y a Star Wars Arcade Falcon Gunner, qui est un jeu intéressant, avec évidemment la franchise Star Wars. On est aux commandes des tourelles de défense du Faucon Millennium et on tire sur des TIE Fighters. L'intérêt du jeu vient de deux choses. D'abord, on doit se déplacer dans l'espace. Okay? Les tourelles dans le film se déplaçaient à 360 degrés et pour tourner, c'est pas un joystick, on doit vraiment se tourner sur le côté si on veut atteindre un TIE Fighter. Le deuxième intérêt du jeu, c'est de pouvoir remplacer le fond du jeu, qui est de l'espace, évidemment, avec des petites des étoiles, tout ça, par de la réalité augmentée. Donc, on se débarrasse de l'espace et les TIE Fighters, si on joue, par exemple, dans la rue, ce que je vous propose pas parce que vous allez avoir l'air d'un vrai fou, ben les TIE Fighters pourraient apparaître de derrière les immeubles qui sont dans votre ville. Donc, c'est un jeu qui est assez immersif, très intéressant, pas trop cher, si je me souviens bien. On va maintenant passer aux nouvelles brèves. On commence avec Antidote HD, qui est maintenant compatible avec Office 2011. Oui, Antidote HD, le correcteur québécois de la compagnie Druid Informatique. Bon, c'est sûr que ça s'en venait, mais pour les gens qui ont acheté ou qui étaient peut-être freinés d'acheter Office 2011 à cause de l'incompatibilité de ce plugiciel-là, de ce plugin-là, de ce correcteur-là, ben, peuvent maintenant le faire. C'est compatible. en opposition, en fait, Office 2011, qui est toujours pas... c'est sorti il y a un mois, là, environ, mais c'est toujours pas compatible avec le iPhone. Donc, la synchronisation des calendriers et des contacts ne se fait pas avec Office 2011. On parle d'une rumeur que l'animateur assez controversé, Howard Stern, quitterait le réseau Sirius pour aller chez Apple. On parle d'une entente qui se chiffrerait à 600 millions de dollars pour 3 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, écoute, ça démontre en fait, là, on le dit pour montrer aux gens comment des fois les rumeurs peuvent être complètement ridicules. D'abord, bon, Apple n'a pas encore annoncé de show sur iTunes. Je suis pas sûr que Howard Stern serait la première personne qu'ils iraient chercher pour ça. Surtout que Apple protège énormément son image. D'engager Howard Stern, ça me surprendrait bien. On connaît le puritanisme de Apple au niveau de d'éjecter, entre autres, des applications du App Store à cause de leur contenu. Donc, ça n'a strictement aucune crédibilité. C'est, d'ailleurs, je me demandais si ce n'était pas The Onion qui avait fait la nouvelle, là, qui est un distributeur de nouvelles inventé au complet. Ouais. Très, très drôle sur Internet. Il y a aussi Apple qui brevette un nouveau MagSafe avec une fibre optique intégrée. Oui, effectivement. Donc, le connecteur MagSafe de Apple, l'explication de la technologie ressemble un peu à LightPeak. LightPeak est une technologie d'Intel qui a été démontrée en premier sur un ordinateur Apple et qui viserait en fait à unifier toutes les connectivités qu'on a sur un ordinateur, c'est-à-dire plus avoir de fil spécial pour l'écran, plus avoir de fil 3-4 connexions USB, FireWire, Serial ATA. Ce n'est qu'un seul connecteur et un seul fil qui est capable de tout faire. Et le brevet montre que les connectiques de l'ordinateur, la connectique de l'ordinateur serait déplacée sur un bloc qui ressemble un peu au bloc d'alimentation de Apple. Donc, on brancherait les périphériques sur ce bloc-là. OK, donc il y aurait le fil qu'on branche dans le mur, notre bloc d'alimentation, qui aurait tous les ports dessus, et un fil qui irait simplement au MagSafe. Donc, il n'y aurait plus de connecteur sur l'appareil même, mais plutôt sur l'adapteur. Effectivement. Okay. Ça pourrait être une espèce de concept d'hybride entre un dock et un power supply, en fait. Là. Donc, à ne pas oublier à la maison. Non, effectivement. Comme ça m'est déjà arrivé d'amener mon ordinateur à Québec puis d'avoir oublié mon adaptateur secteur. Si ça peut arriver, bien, on est un petit peu dans le trouble. Effectivement. Mais c'est une technologie qui est intéressante et le LightPeak, il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui sont très, très excités de voir arriver ça sur le marché. Autre nouvelle qui concerne la Xbox 360. Oui, qui cherche à se monter une offre de service pour peut-être rentrer en compétition avec le Apple TV au niveau d'une offre télévisuelle, soit d'achat ou de location de contenu. Il faut savoir que des Xbox 360, il y en a 44 millions dans nos salons. Et donc, ce serait assez simple de pousser ce type de contenu-là aux possesseurs de Xbox. Faut dire qu'un Xbox 360, au coût d'acquisition, on parle de 300-400 $ si on veut l'avoir, par exemple, avec le tout nouveau Kinect. Alors que... On considère, en fait, on en discute ensemble, mm-hmm. On considère que le Apple TV est plus un achat impulsif avec son prix à 100-120 $. 120 $, oui. Moi, ce que je trouvais drôle dans l'annonce, c'est qu'on veut rentrer en compétition contre l'Apple TV, qui n'est pas nécessairement, en fait, qui n'a pas pris le marché pour Apple. Apple TV, c'est un hobby et c'est pas celui qui se vend nécessairement le plus sur le marché. Il y a Rapid Weaver version 5.0 qui est sorti. On rappelle que Rapid Weaver, c'est un logiciel d'édition HTML, donc un logiciel qui nous permet de monter des sites web en HTML. Avec des templates un peu à la iWeb, avec des templates préfaits, mais qui vont un petit peu plus loin dans son offre de service. En fait, Rapid Weaver est une compagnie dont la mâchoire a probablement débarqué lorsque Apple, il y a quelques années, a annoncé iWeb, mais ils ont retroussé leurs manches, ils ont un bon créneau et ils sont rendus maintenant avec la version 5.0 du logiciel. Donc, pour les gens qui montent encore à la mitaine, comme on dit, les sites web, partiellement monter. Quand on a des thèmes, on a quand même un peu d'aide, mais c'est pour les gens qui veulent monter une simple page personnelle, parce que je dirais honnêtement, présentement, les gens qui montent des sites web vont beaucoup plus vers des solutions CMS comme ou de blog, comme WordPress, comme Joomla, comme Drupal. C'est ça que ça demande un peu plus de connaissances techniques, mais par la suite, l'expérience de publication est bien meilleure sur un outil de publication que de le faire à la mitaine avec un outil d'édition HTML. Tout à fait. On parle également d'un article du Business Insider qui liste les 15 flops de l'année. Oui, les 15 technologies de l'année qui ont floppé, dont Ping, le réseau social musical de Apple, qui a peine à trouver sa voie. Il devait en fait être associé à Facebook au lancement. Ça a été annulé. Mm-hmm. Depuis quelques semaines, c'est associé à Twitter. On peut retrouver ses contacts Twitter à travers Ping, mais ça arrive très peu souvent qu'une recommandation qu'on aurait faite sur Ping est achetée par un de nos amis, là. Donc, c'est Apple et Google qui ont de la difficulté, en fait, à trouver leur créneau sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, bon, les deux behemoths, Twitter et Facebook, qui ont le haut du pavé. Ouais, on tente avec Twitter de raviver la flamme au niveau de Ping. Et il y a également une exclusivité Michael Jackson qui va être une chanson exclusive. Une chanson exclusive de Michael Jackson, une chanson qui a été enregistrée dans le temps de trailer, que Michael aimait bien, mais qui n'a jamais réussi à trouver où mettre. Donc, si on s'abonne à la page du chanteur, ce qui est bizarre, là, vous recevrez probablement pas beaucoup de propositions musicales de la part de Michael Jackson, mais vous pouvez écouter cette chanson exclusive-là. On a un nouveau produit, un nouveau logiciel, Reader. Oui, nouveau Reader, en fait, qui existe sur iPhone et iPad, qui est un excellent agrégateur de fil RSS. Et on avait annoncé il y a quelques temps, le développeur avait annoncé que l'application allait arriver sur le Mac. C'est maintenant fait en version bêta. Donc, je n'ai pas encore jeté un coup d'œil à ça. Je risque de le télécharger cette semaine pour l'essayer. Mais je suis vraiment satisfait. C'est le lecteur RSS. L'agrégateur RSS que j'utilise sur mes deux périphériques. Donc, à tester. Et comme dernier sujet, on va parler de TELUS qui va offrir des téléphones débloqués. Semble-t-il, l'article dit que c'est un des opérateurs canadiens qui commencera en 2011 à offrir des téléphones débloqués. On n'a pas nécessairement de liste de ces téléphones-là. Un téléphone débloqué, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire tout simplement que si vous voulez vous déplacer dans un autre pays et que vous voulez utiliser une carte SIM d'un autre fournisseur Internet pour payer les tarifs locaux de ce fournisseur-là, eh bien, vous allez pouvoir utiliser votre téléphone débloqué pour utiliser ce réseau-là, qui n'est pas celui de TELUS. Donc, on n'est pas emprisonné avec notre fournisseur de téléphonie cellulaire. Et quand on le sait, quand on est aux États-Unis, on paye beaucoup pour être en mode nomade. À ce moment-là, on pourrait acheter une carte AT&T ou Sprint aux États-Unis et la mettre dans son téléphone et simplement l'utiliser à la carte. Eh bien, c'est ce qui conclut ce premier podcast de Mac Québec avec la nouvelle équipe. Nouvelle version 2.0, nouvelle administration de Next Generation, XP Gold, HD. Nommez-les comme vous voulez. Ouais, exactement. On vous invite à peut-être venir nous donner vos commentaires sur la page Facebook de Mac Québec ou d'envoyer directement vos commentaires au compte Twitter @MacQuébec. Parfait. Alors, vous avez des questions, commentaires, ça nous fera un plaisir d'y répondre dans un prochain podcast. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup, Bernard. Et on se dit à la prochaine.